Mes rêves sont glacés. Ma vie est pauvre en liasse, là c'est ma face est marquée. Nourri à la haine, mon rap est parqué. Avant de canner, faut que je crève l'abcès, que je trouve l'accès. Je ne fais que brasser de l'air. T'as fait pour des pas salaires, sa mère. Je pense qu'à passer mes nerfs. Chasser les ténèbres de ma tête, être au clair. Que la lumière m'éclaire. Le luxe afflue autour de nous, le superflu s'empare des hommes. La vue n'est plus la même chez les mômes que la nôtre à leur âge. Toujours plus de chômage, d'argent qui se propage. De gens qui font naufrage, au passage laisse un hommage aux otages. Des guerres passées qui n'ont pas laissé passer de message. Dans la salle des tortures, c'est ça les tordus. Sortie des mortuaires, la prise de pouvoir sur la terre. Suffocante, vision trop choquante. Victimes innocentes par des armes innovantes. Trop gourmand pour les années de tourment. Satan vous attend en tournant. Le bien face au mal et les deux face à nous. Des milliards de questions mais combien reste flou. Le libre choix m'est donné ici comme défi. La vie est un coach et j'en tire des écrits. Le bien se manifeste mais le mal nous en fout. Les anges perdent leurs ailes et le diable est en route. Trop de pensées traîtres, de superficiel chez les êtres. Le monde court à sa perte. Le bien se manifeste mais le mal nous en fout. Les anges perdent leurs ailes et le diable est en route. Ces traîtres, de superficiels chez les êtres. Le monde court à sa paix. J'perds mon sang-froid. Quand j'vois ces SDF sans droit, ces êtres humains sans foi. Quand j'vois mes frères se shooter de sang-froid. Croire que l'alcool et la drogue étaient remis pour leur souffrance. Le diable rôde et les jeunes prennent l'autoroute à contresens. On se renferme et s'ouvre en silence. Ça semble souffre tant d'âmes qui s'engouffrent et la vie n'a plus aucun sens. Plus personne n'écoute les lois de l'éternel. Ça sent même mélange culture et religion. Sont des légendes qui nous renseignent. De tout croyait trop courant. Alors ça n'a même pas lu la tour à la Bible ou le Coran. Les petits crachent sur le pain, jurent pour rien sous des livres sacrés. Font la hagraille et jurent ne comprennent pas quand ça crée. Des tensions à l'engrenage mortel. La rancœur entre peuples de races différentes. L'origine du bordel précoce. Déjà les gosses font carnage. Cherchent à ouvrir avec leurs petits couteaux suisses. Les chambres fortes ne comprennent pas qu'à force de remuer la merde. Ils ne la sentiront encore plus forte. Ça viole dans les caves, se moque des bières. Voit les traînes des vieilles à terre. Sans remords oublie les actes de prière. Se repentir, se voir qu'on en perd un corps. Veulent se faire moine après leur mort. Égoïste comme ces crevards qui près de l'aurore. Ne dorment que d'un œil. Tout ça dans un monde où tout le monde est corps mais mort. Mais chacun pleure son deuil. Le bien se manifeste mais le mal nous en fout. Les anges perdent leurs ailes et le diable est en route. Trop de pensées traîtres, de superficiel chez les êtres. Le monde court à sa perte. Le bien se manifeste mais le mal nous en fout. Les anges perdent leurs ailes et le diable est en route. Trop de pensées traîtres, de superficiel chez les êtres. Le monde court à sa perte.